lyricalement je prends du noir. Et même quand ça l'est pas tant que ça, ça l'est pas tant que ça. Tu te noies ceux qui ricanement, posté sous les affaires. Star, la nostalgie ronge, on se plaît sous les affaires. Ça rendra parano ce qu'agiront. On aime riposter à ses coups, ou même rire on se terra ses cool. Mais si la mort nous frappe, colérique, on se terra ses doux. On fait pas comment qu'on hérite, on est par nos manques, on l'hérite. On les par nos demandes homériques, faut que les parts augmentent, on mérite. Certes, la balade est longue, la prod, la pirature. Et ce jour où se barra le démon, qu'est-ce que ta prose à pirature. Le temps qu'on perd se présentera plus comme chaque occasion qu'on rate. Tant ton père, je présente ta thune, c'est Jack Ocas qu'on rappe. Mec, le cerveau déportant. De peine à temps de s'appauvrir. Mais j'observe le décor quand le mec mal dans s'appauvrit. On prend des claques à notre insu. Aucune qui nous fait taire, je compte. Aucune bouffée d'air qu'on prend et claque à notre insu. Accorde-moi du temps, une nuit, one more. J'ai des ennemis, ils aimeraient me voir mort. Traîne comme un chagrin, j'ai de vile manière. Me voir vivant les chagrines sur la vie de ma mère. Accorde-moi du temps, une nuit, one more. J'ai des ennemis. Ils aimeraient me voir mort, traîne comme un chagrin. J'ai de vile manière, me voir vivant les chagrines sur la vie. J'ai souvent plaidé pour ma cause, le corps de sang couvert devant ta porte, elle s'entrouvert face à tant de maïdes pour me la close. Nos coups durs sont étourdissants, pousse à ton maître à plus tard. Tournera plus d'arc après chaque détour glissant. Vu que ça nous mène à se rétamer, rien qu'à nos premiers tours de roue. Heureusement qu'on traîne en cours de route, tout ce que l'on se ressasserait ta mère. De façon vive, j'ai pris mes distances, une vie qui est parétrique. Guidé par les tripes face au vide, m'écrit les dispenses. Posté sous les contraintes, c'est elle qui légifère. On se met sous des contraintes, pense aux séquelles qui légifèrent. C'est contre les destins qu'on lutte, hein, je me dis qu'on piétine. Contesterait l'inconnu, qui dit qu'on est conquiétil. On possède assez de fils pour ces plaies qu'on aseptise. Quand on se renferme sur soi-même, mais aucun coin n'est aseptique. Je crois que la tare est inopérable, bâtard est inopéra. Toujours avec la rage que relate l'art est inopéra. Accorde-moi du temps, une nuit, one more. J'ai des ennemis, ils aimeraient me voir mort. Traîne comme un chagrin, j'ai de vile manière. Me voir vivant les chagrines sur la vie de ma mère. Accorde-moi du temps, une nuit, one more. J'ai des ennemis, ils aimeraient me voir mort. Traîne comme un chagrin, j'ai de vile manière. Me voir vivant les chagrines sur la vie de ma mère.